Ah, tu viens annoncer la vérité, prédire la fin de la bataille et la fin du délire, la fin des guerres, plus d'échafaud, le grand jour, le plein midi, la paix, la liberté, l'amour. Ah, tu vois tout cela d'avance. Plus d'envie, l'homme buvant la joie aux sources de la vie, et la fraternité, de ses larges rameaux, laissant tomber les biens en foule et non les mots. Pour avoir de tels yeux, il faut être stupide, à mort! Et chacun grince et trépigne et lapide. Avec tout ce qu'on a sous la main, fouet, bâton, on frappe, on raille, on tue au hasard, à tâtons, tant les âmes ont peur de manquer de ténèbres, et tant les hommes sont facilement funèbres. L'ennemi public meurt. Bien. Tout s'évanouit. Nous allons donc avoir tranquillement la nuit. La sainte cécité publique est rétablie.